إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فإنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتأمل في سيرة المصطفى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة وهدى للعالمين Faut que nous, toutes musulmans et toutes musulmanes, faut que nous méditer et faut que nous étudier correctement tout ce qui fait dans la vie prophète là. Dans la vie prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui a la vraie pour il fait nous miséricorde et pour guider nous. Alors faut que nous fassions effort pour nous lire ce qui fait. Dans biographie. Et tout le monde qui lit dans biographie prophète là, a trouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était qu'à souvent, il était qu'à mettre en accord, et puis qu'il dit pays là, et puis qu'il dit ces arabes là, si qu'il dit à partir qu'à faire en opposition. Et puis l'islam. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kéfiran, bel kaya le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuwafikul adat. In kayat hadhi l'adat, la tu khalifu shara. Fait in khalifa shara, naha anha, sallallahu alayhi wa sallam. Et si qu'il t'y paya, qu'elle est en contradiction. Et puis législation, hein, car elle est en contradiction et puis l'islam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a interdit ça. Et donc pas ni pièce ce problème, il a laissé un ishkel. En yura'i al muslimu al adat fi baladihi allati la tukhalifu shara. Et donc pas ni pièce ce problème, si musulman dans le pays, il qu'a prend en compte qu'il dit pays A. Si qu'il dit ça, pas qu'à rentrer en contradiction et puis l'islam. Pas ni pièce problème ici, hein? Pas ni pièce problème dans ça. Mais par contre, voilà qui. In kenet hezi l'adat, tu khalifu shara, fehiya muharrama. Mais si qu'il dit ça, qu'à rentrer en opposition avec l'islam, fahiya haram, qu'il dit à interdit. Faut nous éloigner quand on nous dit ça. Et mon cas pour un exemple. ولنضرب لكم مثالا على ذلك زبطوت زبكونا كيلتي بيا زبطوت كلكم تعرفون عادات القوم هنا اكيو دي نو ادان كيلتي بيا اني ميزيك قالوا لنا في عادات قومنا الغناء الى درجه انه اشتهر عند الناس انهم ياكلون هذا النوع من الغناء هو الدواء الواحد الموجود عندنا سمونا يدينو كميزيك لا يا دانكيل تي بيا يوم ميزيك لا تلما كا بايلا بروباجي سمونا سا يكادينو زوك لا سيسال ميديكا مانوني يو بران un genre de musique spécifique et qui nous dit que c'est celle médicament nous dit. En nous gardant dans l'islam, est-ce nous, ces musulmans, faut que nous écoutions la musique. Est-ce nous, faut que nous négligeons les pointards. Allez, nous avons dit que nous sommes les musulmans, nous avons dit que nous sommes les musulmans, nous avons dit que nous sommes les musulmans. لنتأمل في كلام ربنا نمتيتي على قول بوديينو سيدينو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم إيه إني parmi ces mouns là إني des mouns qui ont acheté belles paroles des paroles plaisantes ils ont acheté belles paroles pour égarer pour éloigner ce monde-là du sentier Allah, tout ça sans science. Tout ça sans science. Il y a caché qui ça, il y a caché des belles paroles. Akhraj al-Tabari, fi tafsirihi, wa ibn Abi Shayba, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qal, al-ghina, walladhi la ilaha illa hu, raddadahu thalath marrat. التبري لماذا التبري يدينوا هذا التفسير ويوزي ابن أبي شيبة يدينوا كابن مسعود compagnon prophète là صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يدي concernant verset A يدينوا ميزيك لا والذي لا إله إلا هو ما كجيري تانتا كباني بيس divinité كميريتي adoration sauf lui ما كجيري ces musiques-là. Et donc, à notre tafsir-là, Ibn Mas'ud qui a dit nous, ces musiques-là qu'il a. Pour montrer nos musiques-là, il est interdit. Qu'a montré nous que c'est un bagaille pour égarer ces mouns-là. Ça qu'a égaré, yo, éloigné au dissenté d'Allah. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa stafziz man istata'ta minhum bi sawtik. Et vous pouvez exciter. Excité toutes ces mouns-là que vous pouvez exciter et puis son. Vous pouvez exciter et puis son. Là aussi, il dit c'est la musique là qu'il a. Hein? Gardez comment il y a Shaitan qui excite yo. Hein? Et puis musique là. Comment il y a qui pète tête yo. Idan ayo al-Ikhwa. Men ta'amala fi hadhihi an-nusus. وفي الآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدرك أنه ينبغي له أن يبتعد عن هذا البلاء إذن فما كل من كيتن سي تكستا أدن كوان إكيتن سا سي كومبانيون بروفيت لا دي أن لا ميزيك لا كا كومبران كفوك لي إلواني كو يدي سا دي مالادي تا لا فكيتي سارت سانتياو pour pas tomber malade اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الناس، فقد علمتم أن هذا البلاء قد دخل في هذه الأمة، قد دخل في الأمة المسلمة، وأنه ينبغي لنا أن نبين للناس حكم الشرع في ذلك. زاد توت زاد ساب كما لديتا ميزيك لا Il rentrait à dans la communauté musulmane. Il rentrait à dans les. Et c'est pour ça qu'il faut que nous expliquions tout le monde. Il faut que nous expliquions ce qui est le jugement musique là dans l'islam. Et donc il faut que ces gens-là, il y a tant de versets à Allah. Il faut qu'il y ait tant de paroles à Allah pour comprendre. Ce n'est pas la fête qu'il a. وَقَدْ حَذَّرَ الْعُلَمَا من هذا البلاء ces savants yo interdit yo mettez en garde contre maladie ta et parmi ces savants ta nous ni الأئمة الأربعة من هؤلاء العلماء عندنا الأئمة الأربعة الذين حرموا الغنى et donc parmi ces savants ta nous ni ces quatre savants les quatre écoles là Yo tout, yo dit que c'est interdit. Rawa al-Khalal, fi kitabihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa ibn al-Jawzi fi talbis iblis. Anna malikan, rahimahullah, su'ila anil ghina'i faqal, innama yaf'aluhu indana al-fussaq. Al-Khalal, Il dit à dans l'Ivli, Al-Amr bil Ma'ruf ou Al-Nahy al-Munkar. Mais aussi, Ibn al-Jawzi, il dit à dans l'Ivli, Talbis, Iblis. Que l'imam Malik, il a demandé à la musique là. Alors l'imam Malik, il dit, Bokaïnou, c'est mon nom qui a fait ça, c'est des fous sacs, des grands transgresseurs. C'est des gens qui ont péché qui ont fait ça. Ibn Abi Hatim, fi manaqib al-Shafi'i. Ibn Abi Hatim, dans un livre, il criait manaqib al-Shafi'i. Il dit nous que l'imam al-Shafi'i dit en belle parole. C'est qui parole ça? Khalaftu bil-Iraqi shay'an ahdafahu al-Zanatika. Yusammunahu bil-Taghyir. يشغلون به الناس عن القرآن يكادي نوك الإمام الشافعي سيدي الإمام الشافعي دي ما نسي سمون لان إيراك يو انفنتي ان باغاي سي هيبوكريت لا يدي سي هيبوكريت لا يو انفنتي ان باغاي يو كاكريي التغيير شانجمان Il n'y a pas de changement. Pourquoi ça, il n'y a pas de sa évolution. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de distraire ces gens-là du Coran. Il n'y a pas d'éloigner. Il n'y a pas d'éloigner du Coran. Idem. هذا الأمر الغنى محرم في شرعنا. Et donc, musique là, c'est un bail qui est interdit à dans la législation. Il est interdit pour tout musulman. Et pas quitter qu'il t'y paye à tromper les autres. La tatlouku, adat il kaum, tahdaoukoum, falikoum bistebet, faut que vous êtes chéberet, faut que vous êtes éloigné quand vous êtes dit tout péché ta. Et vous êtes savent très bien que là, il y a un peu arrivé. Carnaval là, c'est mon nom qui a dansé avec Diab. Il a dansé avec Vaval. Il a fêté ça. Éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de maladie. pas quitter ça entre les autres. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahfadana min bala'il ghina wa an yahfadana min hadha ash-shar wa an yuthabbitana ala al-islam wa sunnah innahu ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimu s-salat.